إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه، اشكروه على ما خصكم به من نعمة عظيمة، التي من أعظمها هذا اليوم الذي خص الله به هذه الأمة، وهو يوم الجمعة، وقد شرع فيه أداء شريعة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجمعة. وهذه الصلاة لها أحكام، منها أن الله سبحانه وتعالى شرع الاجتماع لها بأكبر عدد ممكن، ولا يجوز التخلف عنها إلا من عذر مرض أو سفر أو خوف، وهي فرض عين يأثم من يتخلف عنها، فتلزم كل مسلم ذكر بالغ عاقل مقيم في البلد أو خارجه إذا كان يسمع النداء. وقد ورد الوعيد الشديد على من يتخلف عن صلاة الجمعة، فعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أوعاد من منبره صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، كما في صحيح مسلم. وعن أبي جعد الضمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه الإمام أحمد بسند حسن. Chers musulmans et musulmanes, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala sur les bienfaits dont il vous a comblé. Et parmi ces grands bienfaits, il y a le bienfait que nous connaissons ce jour, qui est le jour du vendredi, un jour dans lequel il est légiféré une grande adoration qui est la prière du vendredi. Et cette prière, beaucoup de jugements en découlent. Parmi ces jugements, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le rassemblement, quel que soit le nombre. Et plus le nombre est grand, et mieux cela est. Et il est interdit à quiconque de ne pas assister à cette prière du vendredi, sauf pour ceux qui ont l'excuse de la maladie, ou les voyageurs, ou lorsque l'endroit où l'on se trouve n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que la personne met sa vie en danger. C'est donc une prière qui est obligatoire pour tout homme. Elle n'est donc pas obligatoire pour les femmes. Pour tout homme qui a atteint l'âge de la puberté, qui est sain de raison, c'est-à-dire qui n'est pas fou ni possédé, et qu'il soit résident, c'est-à-dire qu'il ne soit pas voyageur. Qu'il soit résident à condition qu'il entende l'appel à la prière. Et beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam mettent en garde les musulmans contre le fait de délaisser la prière du vendredi. Et le hadith le plus répandu et le hadith de Abdullah ibn Umar et de Abu Huraira radiallahu anhuma, rapporté dans Sahih Muslim. Ils rapportent tous deux avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire au-dessus de son minbar que des peuples ou que des gens s'abstiennent de ne pas venir, s'abstiennent du délaissement des prières du vendredi, ou bien alors Allah subhanahu wa ta'ala tamponnera leur cœur et scellera leur cœur et ils feront partie de ceux qui étaient distraits vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith jugé bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui délaisse trois prières du vendredi sans excuse, en étant paresseux ou autre, eh bien Allah Azza wa Jal tamponnera son cœur, wal'ayadu billah. وعن يحيى ابن أسعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق والعياذ بالله، كما رواه البيهقي في سننه. ومع هذا الوعيد الشديد لمن يتخلف عن صلاة الجمعة نجد أن بعضا من الناس اليوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فلم يستجيبوا لنداء في يوم الجمعة وتخلفوا عنها إصرارا وبعدا عن طريق الخير فاستحقوا بذلك الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث السابقة. ولا تجب الجمعة على المسافر سفرا قصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير، وإذا حضر المسافر الجمعة وصلى مع المصلين أجزأته. Et selon Yahya ibn As'ad, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entend l'appel du jour du vendredi et n'y va pas, puis entend l'appel et n'y va pas, puis entend l'appel et n'y va pas, Allah subhanahu wa ta'ala scellera son cœur et son cœur sera considéré comme le cœur d'un hypocrite, wal'iyadu billah. Et malgré ces hadiths qui sont durs, ces mises en garde qui sont sévères, beaucoup de gens sont dupés par le diable, wal'iyadu billah, et se laissent aller dans le fait d'assister aux prières du vendredi et la délaissent pour beaucoup de gens malheureusement tout le long de l'année, wal'iyadu billah. Il faut donc qu'ils se remettent en cause et qu'ils aient à l'esprit ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlent pas en vain, car sa parole sallallahu alayhi wa sallam est révélation. ومن أحكام صلاة الجمعة أنه يستحب التهيؤ لها قبل حضورها بالاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب وتجميل الهيئة بقص الشارب وتقليم الأظافر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه، أي تطيب من أحسن الطيب أي الرائحة، ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع إلى الإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، كما في سنن أو في صحيح ابن خزيمة rahimahullah ta'ala. Il est préférable le jour du vendredi de soigner son apparence avant de se rendre à la mosquée, en prenant son bain, en se parfumant et en portant les meilleurs de ses vêtements, et également pour les hommes en taillant leurs moustaches et en coupant leurs ongles. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le jour du vendredi arrive et qu'un homme se lave en lavant sa tête, puis se parfume de son meilleur parfum et met et porte ses meilleurs vêtements, puis sort pour se diriger vers la prière, sans séparer entre deux personnes, c'est-à-dire sans s'asseoir dans la mosquée entre deux personnes, c'est-à-dire qu'il doit venir tôt et s'asseoir dans une place qui est vide et non pas se forger un chemin entre deux personnes qui peut-être désiraient s'asseoir les unes à côté, l'une à côté de l'autre. Puis écoute l'imam, c'est-à-dire le discours, attentivement, et bien alors il lui sera pardonné des péchés jusqu'au vendredi suivant, avec un plus de 3 jours, c'est-à-dire que ses péchés de ce vendredi jusqu'au vendredi suivant seront pardonnés avec 3 jours en plus. ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب. فعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل اليوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها كما في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والحديث صحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم واغتسل وغسل واغتسل هذا التكرار يفيد التأكيد الغسل يوم الجمعة قبل الصلاة والتبكير لها أيضا. فانظروا أيها المسلمون إلى هذا الأجر العظيم الذي يناله المسلم عندما يمشي مبكرا إلى صلاة الجمعة. ومما ورد أيضا في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ليستمعوا الذكر كما في صحيح البخاري ومسلم. Il est préférable de se rendre à la prière du vendredi à pied. Selon Aus ibn Aus al-Thaqafi radiallahu anhu, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui se lave le jour du vendredi et s'y rend tôt et marche sans s'y rendre sur une monture et se rapproche de l'imam pour écouter sans être distrait, alors il aura pour chaque pas qu'il aura fait pour se rendre à la mosquée l'équivalent de la récompense d'une année, y compris le jeûne de cette année, ainsi que les prières de nuit. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et beaucoup d'autres. Et l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage le musulman à se rendre tôt à la mosquée. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam énumère les différentes récompenses en fonction des personnes et du moment dans lequel elles arrivent à la mosquée. Ceux qui arrivent les premiers auront comme récompense l'équivalent de donner en aumône une chamelle, puis ceux qui viennent par la suite l'équivalent d'une vache, et les autres l'équivalent d'un bélier, les autres l'équivalent d'une poule, et ceux qui viendront en cinquième ou pendant la cinquième heure, ils auront l'équivalent de l'aumône d'un œuf. Et lorsque l'imam entre dans la mosquée, les anges ferment le livre dans lequel ils inscrivent toutes ces personnes qui assistent à la prière et écoutent attentivement le discours de l'imam. وفي رواية فإذا خرج الإمام طووا أي الملائكة صحفهم يستمعون الذكر. ففي هذا الحديث والذي قبله الترغيب في التبكير لصلاة الجمعة لما يترتب على التبكير من تحصيل مكان في الصف الأول والحصول على فضيلة انتظار الصلاة وحصول الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى بصلاة النافلة والتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء، ومن أهمها قراءة القرآن ولا سيما سورة الكهف. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين كما في سنن النسائي والحديث صحيح. Et dans une autre version, les anges referment leur registre et écoute attentivement le rappel, c'est-à-dire le discours de l'imam. Dans ces hadiths, il y a l'encouragement de se rendre tôt à la mosquée lors du vendredi pour assister à la prière du vendredi. Ceci car de se rendre tôt à la mosquée permet d'accomplir de nombreuses œuvres qui seront récompensées parmi ces actes méritoires. Le fait de prier dans le premier rang, ceux qui viennent tôt également auront la récompense d'attendre une prière et occuperont ce temps par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également en accomplissant des prières surérogatoires, en faisant du tasbih, en disant subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, mais également d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de lire le Coran et plus particulièrement suratul kahf, surat la caverne, car il y a un mérite bien précis de lire surat la caverne le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit surat la caverne le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala illuminera cette personne jusqu'au vendredi suivant. Wa hadhihi al-fada'il allati dhakarna tufawitu kulluha ala al-muta'akhir wa ma'a al-asaf fi hadha al-zaman قل الاهتمام بالتبكير لحضور صلاة الجمعة فالكثير لا يأتون إليها إلا عند دخول الإمام أو عند الإقامة يحرمون أنفسهم من هذه الأمور العظيمة والفضائل المتعددة التي منها الدعاء كما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه كما في صحيحين. واعلموا أيها المسلمون أنه يجب على الحاضرين الإنصات والاستماع للخطبة ويحرم الكلام وقت إلقائها وقد ورد النهي عن ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت يعني والإمام يخطب. وفي رواية للبخاري أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ومن قال يوم الجمعة لصاحبه أنصت فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعة شيء. وفي هذه الأحاديث دلالة على تحريم الكلام والإمام يخطب، وفيه دليل على إباحة الكلام بين الخطبتين، لأن المنع هو حال الخطبة الإمام. وفيه دلالة على تحريم تسكيت المتكلم أثناء الخطبة، فلو رأى أحدا رجلا يتكلم أثناء الخطبة فلا يجوز له تسكيته بالكلام، فلو قال له اسمع الخطبة أو أنصت فقد لغى حيث أتى بكلام في حال هو مأمور فيها بالإنصات والاستماع، مع أن ذلك في الأصل هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مما يدل على أن غير ذلك من الكلام ممنوع من باب أولى حال الخطبة. فإذا كان لابد من تسكيت المتكلم فليكن إذن بالإشارة فإنها أخف. Également parmi les mérites de venir tôt à la mosquée le jour du vendredi, c'est d'occuper son temps à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit précédemment, car il y a le jour du vendredi une heure dans laquelle lorsque le musulman invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera ce qu'il a demandé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a, c'est-à-dire dans le jour du vendredi, une heure lorsque le serviteur musulman invoque Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce moment eh bien Allah Azza wa Jal lui accordera. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné plus de détails et a dit que c'était entre le moment où l'imam s'assoit et au moment où la prière se termine, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim. Et sachez également qu'il est obligatoire pour ceux qui assistent à la prière du vendredi ainsi qu'à son discours d'écouter attentivement l'imam et de ne pas parler. La parole est interdite pendant le discours de l'imam, car il y a des hadiths à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu parles le jour du jugement, le jour du vendredi, faqad laghawta wa alghayt, tu as alors dit une parole mauvaise, même si cette parole est licite en elle-même, mais le fait de l'avoir prononcée pendant que l'imam fait son discours est interdit. Il est même interdit de dire à une personne qui parle pendant le discours: tais-toi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu dis à ton compagnon le jour du vendredi: tais-toi ou écoute pendant que l'imam fait son discours, faqad laghawt, tu as alors commis une distraction. Ou alors, yani, faqad laghawt, les savants ont donné plusieurs explications. Certains ont dit que ce sont les paroles mauvaises. D'autres ont dit que c'est le fait d'abolir et de rendre nulle toute récompense de ce grand jour qui est le jour du vendredi. Et on en déduit ce hadith qu'il est uniquement interdit de parler pendant que l'imam fait son discours. Il est donc autorisé pour ceux qui en ont le besoin, la nécessité, de parler entre les deux khutbahs au moment où l'imam s'assied. Et on en déduit également qu'il est autorisé, si cela est justifié, de faire taire quelqu'un qui parle pendant le discours de l'imam en faisant des gestes de la main ou de la tête et en s'abstenant de prononcer des paroles. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. والصحيح أن من كان يسمع الخطبة فلا يجوز له رد السلام ولا تشميت العاطس، بخلاف من لا يسمع الخطبة فإنه يجوز له ذلك، والله أعلم. ويحرم على الداخل للمسجد أن يتخطى رقاب الناس، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. آنيت أي أخرت المجيء، أي تأخرت. وآذيت أي آذيت الناس بتخطيك رقابهم، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة، لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة، فتكون المضرة به واسعة. وأيضا لا يجوز مس الحصى أو تسويته بالأرض بيده أو اللعب بيده على فراش المسجد، لأن هذا من العبث الذي يشغل عن سماع الخطبة ويذهب الخشوع. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. Et les savants de l'islam ont divergé sur le jugement de rendre le salut ou de dire يرحمك الله à celui qui éternue. Et l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que celui qui écoute ou celui qui entend le discours de l'imam, il ne doit pas répondre au salam ni dire yarhamukallah à celui qui éternue. Quant à celui qui assiste à la prière ou au discours mais est éloigné de l'imam de telle sorte qu'il n'entend pas le discours de l'imam, il lui est alors autorisé de répondre au salut. Il est interdit d'entrer à la mosquée et de chevaucher les gens au-dessus de leurs épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme chevaucher les épaules des gens lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar en train de faire son discours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: assieds-toi, car tu offenses et tu es en retard. Tu offenses les gens en les chevauchant et en passant tes pieds au-dessus de leurs épaules, tu les déranges, tu les distrais dans l'écoute du discours, ceci est donc interdit. Et assieds-toi, c'est-à-dire assieds-toi là où tu es entré. Et ne chevauche pas les gens car tu es en retard. Et c'est toi qui portes la responsabilité de ce retard. Il est aussi interdit de jouer avec les pierres. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de tapis. La mosquée était sable et pierre. Et des gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam aplatissaient le sol ou enfonçaient des pierres dans le sol pour l'aplatir. Et les savants l'ont déduit à notre époque qu'il est interdit également de jouer avec sa main sur le tapis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui touche une pierre pendant la prière du vendredi, faqad lara, il a alors été distrait. Wa man lara fala jumu'atala, et celui qui est distrait, point de vendredi pour lui. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de récompense, mais sa prière du vendredi reste néanmoins valide. Wa man dakhala wal imam yakhutub fala yajlis hatta yusalli rak'atayn khafifatayn liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ahadukum yawm al-jum'ah وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين متفق عليه وفي رواية لمسلم وليتجوز فيهما أي لتكن هاتين ركعتين خفيفتين. أيها المسلمون، يوم الجمعة يوم مبارك شاهد ومشهود، فمن حضره يشهد له ومن تخلف بغير عذر يشهد عليه، والملائكة الذين على الأبواب بعد ذلك شهود، وقد فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأيام كما فضل الشمس على سائر النجوم، وجعله للمسلمين عيدا لأسبوعهم، ولهذا نهي المسلمون أن يفردوه بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. Celui qui entre dans la mosquée pendant que l'imam fait son discours, il doit accomplir deux unités de prière qu'il doit alléger, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous entre le jour du vendredi et que l'imam est en train de faire son discours, qu'il prie alors deux unités de prière, et dans la version des musulmans, et qu'il les allège. Sachez donc que ce jour du vendredi est un jour qui témoignera, qui sera témoin et qui témoignera celui qui assistera à la prière du vendredi ce jour, témoignera en sa faveur quant à celui qui a délaissé la prière du vendredi. Sans excuse, islamiquement accepté, les anges écriront alors ce qui sera un témoignage contre lui le jour du jugement, wal'iyadu billah. Et Allah Azza wa Jal a favorisé ce jour parmi les autres jours, comme il a favorisé le soleil vis-à-vis des étoiles. Et Allah Azza wa Jal a fait de ce jour du vendredi le jour de fête hebdomadaire des musulmans. C'est pour cela, entre autres, qu'il a interdit aux musulmans de jeûner le jour du vendredi, sauf s'ils jeûnent un jour avant ou bien alors un jour après. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne jeûne pas le jour du vendredi, sauf s'il a jeûné un jour avant ou un jour après. وعن أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي كما في سنن أبي داود. ولهذا يستحب أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها للحديث الآن في الذكر وغيرها من الأدلة في أحاديث أخرى. اسم أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les meilleurs des jours est le jour du vendredi. C'est dans ce jour qu'Adam a été créé, et c'est ce jour qu'il est décédé. Et c'est dans ce jour qu'auront lieu les deux soufflements dans la trompe. Le premier qui terrorisera et tuera tous ceux qui entendront ce souffle, et le second sera le feu vert qui sera un signal de commencement du jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte également et dit: et faites beaucoup de prières sur moi, car vos prières me sont exposées, car vos prières me sont exposées. Il est donc préférable et recommandé aux musulmans de beaucoup prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous l'a enseigné sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الأدعية. أيها المسلمون، من أدرك ركعة مع الإمام أتمها جمعة، أي تأتي بركعة أو أخرى وإن أدرك أقل من ركعة، بأن جاء ودخل الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه يتمها ظهرا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. ومن أحكام الجمعة أنها لا راتبة قبلها، لكن من دخل المسجد لصلاة الجمعة وكان مبكرا فإنه يصلي من النوافل ما يتيسر له إلى أن يدخل الإمام للخطبة. والحقيقة هذه سنة مهجورة هجرها كثير من المسلمين، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون مبكرا لصلاة الجمعة وكانوا يصلون ركعتين ركعتين إلى أن يأتي الإمام. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. وأما سنة الجمعة الراتبة بعدها، أي بعد الصلاة لا قبل الصلاة، كما في صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين. فإذا صلاة الجمعة لا راتب لها قبلها، وإنما الراتبة بعدها، والأفضل أن يصليها الإنسان في بيته. ومن الأحكام المتعلقة بالجمعة: يحرم بيع الشراء، البيع والشراء يوم الجمعة بعد الأذان الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع إذن بعد الأذان الثاني حرام في الإسلام، وكاد العلماء أن يجمعوا على ذلك، وكل مال اكتسب من هذا البيع بعد الأذان الثاني من الجمعة فهو سحت ومال حرام والعياذ بالله. Et sachez qu'il y a des règles juridiques à connaître concernant la prière du vendredi. Celui qui entre ou qui arrive en retard à la prière et arrive à la deuxième raka'at, à la deuxième unité de prière, avant que l'imam ne se relève de son inclinaison, alors il doit terminer une raka'at, il doit considérer cette prière comme la prière de Jumu'ah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui atteint ou qui arrive à avoir une unité de prière, alors il a atteint la prière. Quant à celui qui arrive en retard et entre en prière après que l'imam se soit relevé de son inclinaison de la deuxième unité, alors il doit terminer 4 raka'at et il doit prier la prière de Dhuhr. Et également, parmi les jugements de la prière du vendredi, c'est que il n'y a pas de ratibah. Ratibah, ce sont 2 raka'at qui sont faites tous les jours, avant une prière ou après. Concernant le Jumu'ah, il n'y a pas de ratibah avant, mais il y en a après. Et le fait qu'il n'y ait pas de ratibah avant ne signifie pas qu'il est interdit de prier avant la prière de Jumu'ah. Bien au contraire, il est conseillé de faire le plus de raka'at possible. Ainsi faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils venaient tôt le jour du vendredi à la mosquée et faisaient plusieurs unités de prière jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Et également, parmi les jugements qui sont propres au vendredi, c'est l'interdiction de vendre et d'acheter le jour du vendredi après le deuxième adhan, car Allah Azza wa Jal a dit: ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, accourez vers le rappel d'Allah et délaissez toute action commerciale. Tout bénéfice donc